le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast du fan club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine où on va revenir sur le match bisp et aussi sur la grosse news de cette semaine qui est tombée hier, le trade de Collins. Mais pour cette émission, je ne serai pas seul, je serai accompagné du coach Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Pour nous accompagner également, un petit nouveau qui rentre dans la famille du podcast, Rudy. Bonsoir Rudy. Bonsoir à tous. Et pour nous accompagner, en tout cas pour cette première partie d'émission, il se devait d'être là pour réagir au trade de Collins. C'est le président. Bonsoir président. Salut. C'est pas évident d'être là, mais je suis là. Au sommaire de cette nouvelle émission, on reviendra évidemment sur le trade de Collins. On parlera des motifs qui a occasionné ce trade. Nous parlerons évidemment aussi de l'avenir. Que va-t-on faire à la place de Collins? Et en deuxième partie d'émission, nous reviendrons évidemment sur le match face aux Bills, où on parlera d'une attaque qui est toujours aussi efficace, et nous nous poserons évidemment les questions sur cette défense qui a encore fait un match tout à fait moyen. Moi, en tout cas, il me reste... reste à vous souhaiter une bonne émission. Le fan club français des New England Patriots, l'émission épisode 22, c'est parti. C'est la grosse news qui est tombée ce lundi soir, le trade du linebacker Jamie Collins aux Browns contre un troisième tour compensatoire. Ah, c'est quelque chose qui est évidemment qui a ébranlé nombreux fans des New England Patriots et énormément de personnes au niveau du fan club. Alors, avant de rentrer dans la taille et analyser ce trade, Rudy, ta première réaction? J'ai un peu pris un coup de massue sur la tête en ayant appris ça, ouais. C'était un peu abasourdi. Cyril, quelle a été ta réaction? Alors, premièrement, très surpris, surtout que c'est toi qui me l'as appris. Donc, vraiment très très surpris, déçu forcément, et qui laisse poser pas mal de questions. Et enfin, celui qui a acheté le maillot de Collins il n'y a pas une semaine et qui le voit partir aux Browns, qui doit être sonné à l'heure qu'il est, président. Comment te sens-tu? Alors, je me sens, ce maillot me va à merveille, c'est-à-dire que là, je l'ai au moment où je vous parle et je trouve qu'il me va bien. Je suis assez fier de le porter et je peux vous dire que je vais le porter toute la saison. Très énervé de ce trade, très très énervé. Alors, on va rentrer dans le détail de ce trade et on va évoquer les motifs de cet échange. Alors, on savait que Jamie Collins était en fin de contrat et donc qu'il devait y avoir une négociation au niveau des Patriots. Ce que l'on sait, c'est que Collins demandait un salaire du niveau de Von Miller autour des 19 millions par an. Les Pats en offraient 11. Lui voulait en tout cas avoir un salaire plus élevé que celui de Kukli, qui est à peu près dans son même style, au-dessus des 12 millions de dollars. Ça, c'est au niveau de la négociation du contrat. On y reviendra par la suite. D'autres éléments sont venus alimenter aussi ce départ en trade. Président, est-ce que c'était inévitable? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Ou est-ce que c'est totalement une erreur de management? Bon, écoute, on va. j'ai 24 heures qui sont à peu près passées. J'ai pu me poser, analyser les choses. Moi, pour tout te dire, ça faisait quelques semaines que j'entendais parler d'un éventuel départ de Collins. Et on va même aller plus loin. Quand j'ai commandé le maillot, je me suis dit, putain, risqué là, le choix, risqué. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, j'adore tellement ce joueur. En fait, depuis le début, il me fait énormément penser à Willie Maginest, qui a été un de mes joueurs préférés aux Patriots, et qui, hasard ou coïncidence, a terminé aux Browns de Cleveland, et quand il a été tradé lui aussi en 2006. Donc tout ça pour dire que je me suis dit, bon écoute, on prend le risque. malgré les rumeurs qui, quand même, depuis deux semaines, existaient. On le savait en pourparler avec le club. J'avais quelques sources à l'intérieur du club qui me disaient que ça ne se passait pas forcément bien. C'est-à-dire qu'a priori, il a un agent qui est assez... C'est un peu un requin, le gars, hein, qui il veut des grosses sommes. Après, je pensais le Jamie Collins peut-être plus intelligent. Honnêtement, je ne sais pas s'il a été con ou pas dans ce transfert, dans ce trade, mais plus intelligent pour peut-être un peu calmer son agent si c'est le cas, s'il est un peu trop intéressé par les dollars, et surtout lui expliquer que bon, à un moment donné, tu restes aux Patriots pour un peu moins, mais tu es quand même sûr de peut-être aller en finale de conférence au moins, quoi. Donc voilà, je pense qu'il aurait peut-être dû calmer un peu le jeu si les deux parties commençaient un peu à s'enflammer, notamment avec son agent. Ça, a priori, c'est pas ce qui a été fait. Après, j'en sais pas plus en interne, c'est vachement difficile. Je pense qu'aujourd'hui, il a de quoi regretter. Et je crois aussi qu'on a de quoi regretter. Ce que l'on sait en tout cas, après le trade, certaines news sont sorties. Lombardi, qui était un ancien GM des Patriots, disait que cette saison, il jouait mal, que c'était quelqu'un de freelance, quelqu'un qui... apparemment ne suivait pas forcément les consignes tactiques. C'est difficile de... On le compare... Alors ça j'ai dû... Enfin, peut-être, hein, honnêtement, on n'est pas dans l'équipe, on ne peut pas savoir. J'ai un peu du mal à y croire. Ce qui est certain, c'est qu'il était connu en universitaire pour déjà de temps en temps sortir un peu du côté tactique prévu. Mais c'est aussi un joueur qui, en sortant un petit peu de ce qui est prévu, il te fait l'exploit qu'il réalise contre les Colts quand il saute par-dessus l'équipe spéciale et qui contre le coup de pied. Vous rappelez, je l'ai posté hier soir sur la page du fan club. Donc c'est un mec qui, par son physique, par son talent, peut combler un petit peu et de temps en temps prendre la liberté de sortir un petit peu du rang. Le problème, c'est que je pense que Bill et Patricia n'ont pas du tout adhéré à ce côté-là du joueur. Voilà, je crois qu'il y a un petit peu peut-être des problèmes d'ego, je sais pas. Genre le jeune Collins qui se permet de, on fait pas ça à Bill et à Matt, Patricia. Donc voilà ce que je pense qu'on ne sait pas, mais qui a peut-être existé. Oui, bah justement, Rudy, tu vas me donner ton avis. Collins, on le considère, enfin. On le considère apparemment comme plus un joueur, un wow player, comparé par exemple à Hightower, qui lui aussi est en fin de contrat, où il fallait potentiellement faire un choix qui est beaucoup plus régulier. Ouais, on l'a quand même vu pendant le match des Bills, où justement il a quand même fait un peu ce qui passait par la tête. Et on l'a vu par exemple dès la deuxième action, avec un gain de 28 yards pour l'attaque des Bills. Donc ouais, de ce côté-là, ça a clairement pu jouer en sa défaveur. Alors moi, Rudy, je pense que dans le match contre les Bills, il n'y était plus du tout. Hein. Je pense qu'il y avait déjà quasi tout qui était réglé. Je ne crois pas que le match des Bills, il est... Tu sais, on a beaucoup lu, a priori, le match des Bills, ça a fait chavirer le truc et donc il a été tradé. Je ne crois pas. Moi, je crois que c'était décidé déjà avant et que Jamie Collins, il avait bien compris qu'il allait sauter. Donc, si tu veux, la motivation, elle devait moins y être, à mon avis, hein, de ce que j'en ai entendu. Oh, si, il y a de bonnes chances que ça ait joué également. Mais bon, il y a tellement de paramètres à prendre en jeu. Je veux dire, déjà, que entre les arrivées de Van Noyt, Domingo, qui avait aussi les Hightower et Butler à re-signer en fin de saison, le fait qu'ils demandent un gros contrat. C'est sûr, tous ces éléments existent, c'est vrai. Oui, ouais. ça a sûrement été préparé depuis longue date, hein, comme tu le dis tout à fait. Au niveau des trades, ça a été préparé. Cyril, le départ de Collins, est-ce que c'est pas une bonne chose? On regarde, par exemple, cette saison, quand il jouait, c'était un peu plus de 6,3 yards concédés à la passe, et au niveau des rush plays, 4 yards. Quand il ne jouait pas, c'était 5,78 et 3,3 au niveau des yards concédés. Est-ce que le départ de Collins ne va pas permettre de solidifier cette défense? Alors, bon, sur le point de vue statistique, purement statistique, certes, on peut voir qu'on encaisse moins quand il n'est pas sur le terrain, mais je me fie rarement aux statistiques, surtout sur Merci un joueur, Cyril. Surtout Cyril. Sur un joueur en particulier, parce que surtout quand on va parler du front seven, c'est, je sais que j'en parle souvent, mais bon, c'est un peu mon rôle aussi. Un front 7, c'est 7 joueurs. C'est comme au rugby, et ça pareil, c'est l'exemple que je prends régulièrement. C'est une mêlée, il y a 7 joueurs. Tu as des joueurs qui peuvent avoir des capacités énormes, qui vont servir à certains moments, mais on ne peut pas imputer des stats à un seul joueur sur un front 7. C'est impossible. Mais Cyril, je suis mais tellement content que tu dis ça. En plus, tu joues, tu coaches, tu fais tout ça, donc tu le sais mieux que quiconque. Et alors ça, moi, ça m'insupporte quand je lis actuellement ce genre de stats. Et c'est, je crois que c'est Edelman qui a dit, alors c'était avant le trade de Collins, donc il parlait d'un tout autre joueur, je crois qu'il parlait de Bolden. Et il a expliqué, il a dit, non mais il faut arrêter avec les stats, parce qu'il y a des joueurs sur le terrain, où ils ne feront pas de bonnes stats, mais ils sont ultra présents et vous ne vous en rendez pas compte. Voilà ce qu'il a expliqué. Travail de l'ombre. C'est voilà, travailleur de l'ombre. Et Collins, tu vois qu'il en faisait partie. Alors, d'un coup, il explose, il fait un méchant jeu énorme qui passe sur toutes les radios et toutes les chaînes télé du monde, ok. Mais au préalable, il a fait 3-4 actions où il était présent et on ne l'a pas forcément vu parce que ça ne s'est pas vu. C'est ça. Bon, après, bien sûr, les stats, ce sont les stats. Après, bien sûr, que si on prend uniquement le match des Bills, forcément, il n'y est pas du tout et moi, je suis tout à fait d'accord. Après, pour ce qui est de préparer, je rejoins Olivier sur le fait que pour moi c'était déjà décidé et je pense même qu'il devait le savoir. Et vraiment, je pense que l'entente entre les Patriots et Jamie Collins était consommée et bien consommée. C'est, il y avait le point de non-retour était arrivé. C'était pour moi c'était inévitable. Hein, c'était comme ça. Après, une bonne chose. On n'est pas dans les vestiaires, mais je pense qu'il y a certains joueurs avec leur ego. Et bon, je ne connais pas du tout le personnage, donc, mais je pense que ça peut être une bonne chose si il faisait partie peut-être des personnes qui pouvaient se mettre entre les joueurs et leur coordinateur. Cyril, tu as la réponse. Aujourd'hui, il y a Devin McCourty, qui a clairement dit « Je suis choqué par ce départ, je ne m'y attendais pas, c'est un de nos meilleurs joueurs, on ne peut être que choqué par ça », et genre, il ne valide pas le mec, quoi. Il n'est pas d'accord. C'est ça. Donc si McCourty, qui est un des patrons de la défense, il dit ça, c'est que Jamie Collins ne posait pas de problème, quoi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un ego plus venant des coachs que de réellement Collins. Ouais, bah ça, après, on n'est pas dans les vestiaires pour le voir. C'est pas quelqu'un qui pendant les entraînements, a posé réellement de problèmes. C'était pas comme dans l'offensive line cet été. Quoi. Bien sûr. Après, je pense qu'aussi, bon, on le sait tous, chez les Patriots, c'est une équipe où tu suis tes directives et point. Grosso modo, t'as pas vraiment ton mot à dire. Et je pense que c'est vraiment un message fort, un peu comme il peut y avoir au sein d'une entreprise, où si tu veux pas rentrer dans le moule, à un moment donné, t'as beau être le meilleur, c'est merci, au revoir. C'est pas parce que t'es un tel qu'on va commencer à faire une exception. Ah, mais clairement, c'est ce qu'il lance comme message Belichick. Voilà. Et c'est pour les autres joueurs, en disant, les gars, attention, nous ici, on n'est pas, sans vouloir être méchant avec ces équipes, on n'est pas chez les Browns ou chez les Buccaneers. Hein. Chez nous, on fait notre job, do your job, exactement. C'est do your job. Et entre guillemets, personne n'est irremplaçable. Et surtout, attention les gars, si tu en as un autre qui veut faire pareil, il prendra la porte. Nous ici, on est là pour gagner des titres. On n'est pas Alors, là. Cédric, je peux poursuivre Oui, bien sûr. Non, allez, vas-y, écoute, vas-y. On est chaud, on est lancé là. Désolé, Cédric. Vas-y. On monopolise un peu le truc, mais pas de un petit ping-pong là, je suis tout à fait d'accord avec ce vas-y. Cyril. Et d'ailleurs, pour encore plus aller dans le bon sens, si tu regardes un petit peu les égos que Bill a jarté ces derniers temps, a éliminé, d'ailleurs, je l'ai posté ça aussi sur Facebook. Il y a, en 2002, il fait partir Lawyer Miller qui a un très gros caractère. Il fait partir Tylo, qui est pro-bowler, derrière pro-bowler chez nous, Hall-Famer, voilà. Il fait partir Willie Magines, donc ça c'est encore autre chose. Il fait partir Mike Vrabel, qui a un gros caractère. Richard Seymour, c'était le mec, c'était... Seymour, oui, c'était fou. Monstrueux, égo. J'adorais ce joueur. Il avait un très gros égo. Bien sûr. Logan Mankins, n'en parlons pas. Voilà, donc finalement, tu as complètement raison. Il élimine les gens qui peuvent un petit peu sortir du rang. Ouais. Sauf que, et c'est là que je voulais en venir, moi je pense que, même si je suis complètement d'accord avec cette idée-là de Belichick, c'est vraiment un truc qui me plaît, j'aime les Patriots pour ça, je pense que là, il a voulu faire trop une leçon, et se servir de Jamie Collins pour la faire, je pense que c'était une erreur, tout simplement par rapport au talent du joueur. Ce joueur était un monstre et pouvait vraiment devenir un des meilleurs de la NFL. J'en suis quasi persuadé, et je suis presque persuadé que lui aussi en est persuadé. C'est-à-dire qu'il le sait, et il a dû vouloir montrer juste, eh ben même Jamie Collins, j'en fais ce que je veux. Voilà ce que je pense. Après, je pense que ça peut être déstabilisant pour le groupe, et ça, c'est quelque chose qui m'effraie. Je pense qu'au niveau de notre défense, qui a déjà assez de problèmes comme ça, je pense que vraiment l'intégrité du groupe peut en prendre un coup. Complètement d'accord. Ouais, je vais rajouter un peu un détail, juste, pardon, messieurs, à ce que vous dites. Cette saison, la défense des Patriots, elle joue sans émotion. Complètement. Les deux seuls qui avaient une âme dans cette défense sont Collins, qui vient de partir, et Chandler Jones. Les deux joueurs qui animaient potentiellement cette défense sont partis. C'est vrai. Alors, Rudy, tu viens de donner ton avis. L'avenir, maintenant, de cette défense, c'est quoi? Maintenant que Collins est parti, maintenant, il reste Roberts, Mingo, notamment. Qu'est-ce que ça va être l'avenir pour toi? Oh, difficile, difficile. Je pense que c'est Roberts qui va être à côté d'Hightower, maintenant. Je vois pas trop le truc, c'est... <Tu m'étonnes. rire> Ça va être un casse-tête parce que là, clairement, il va falloir le remplacer, le Collins. Je sens que la défense, ça va en chier encore plus qu'avant. C'est ça le problème. déjà qu'on galérait. C'est ça. Maintenant, ça va être compliqué. Est-ce que, on dit toujours que c'est un électrochoc du départ, mais est-ce que derrière, ça va pas unifier un peu, entre guillemets, cette défense dans la manière collective de jouer? Peut-être qu'individuellement, Collins étant un peu en freelance, ça crée des espaces. Est-ce que là, collectivement, ça sera peut-être un peu plus cohérent et ça va créer un peu plus de solidité? Essayons de trouver, entre guillemets, peut-être en tout cas, ou les points positifs ou les éléments qui vont nous permettre d'espérer un peu pour l'avenir. Cyril? Moi, personnellement, je pense pas, car Collins a été, comme on l'a rappelé, un joueur du front seven. Et je pense que notre front seven, c'était un peu ce qui sauvait la phase de notre défense. Donc à ce niveau-là, je pense pas que ça puisse apporter du positif. Honnêtement, sans vouloir être défaitiste, je pense pas. Je pense pas du tout. Alors, président, voilà. Toi qui es dans le Saint Graal des New England Patriots, est-ce que est-ce que tu as en tout cas des infos ou donne-nous des pistes pour... savoir sur alors, quoi. Déjà, sans te donner tout de suite des pistes, je vais juste rebondir sur ta question. Tu demandes quel est le futur. Le futur, c'est, imagine, il y a 2 ans, je te dis, alors, les gars, le front seven des Patriots, dedans, il y aura Sheard, Mingo, Van Noy, Roberts. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Le Super Bowl, quoi, soyons réalistes. Ah, soyons réalistes, au moins, voilà, s'il exactement, vous plaît. C'est digne des Denver Broncos de l'an dernier, quoi, clairement. Donc non, là on a viré Jones, on vire Collins, on a Hightower qui quand même revient de blessure, ça il faut le préciser, c'est-à-dire qu'Hightower il n'est pas à son top physique. Et quand on décide de ne pas prolonger Collins, mais de prolonger Hightower, parce que de toute façon si ce Beans a été fait là, l'échange, le trade de Collins, c'est pour pouvoir signer Hightower, voire Butler, voire les deux. Hightower, si à la fin de la saison il se blesse et qu'il est out pour un moment, on va peut-être commencer à se dire, tiens, pendant ce temps, Collins, il est en pleine forme. Oui, c'est vrai qu'il avait peut-être il faisait un peu ce qu'il voulait sur le terrain, c'est vrai, mais bon, il est en pleine forme. D'ici là, Ninkovic, il aura peut-être pris sa retraite. McLellan, il est honnêtement décevant. Alors ouais, alors on est en train de tout miser sur Roberts. Ouais, enfin, c'est un rookie le gars, quoi. Comment on peut être sûr à 100%? Mingo, je suis désolé, mais pour moi, il n'a pas le niveau escompté. Il n'est pas mauvais, hein, mais il n'a pas le niveau. Sheard, je rappelle qu'il a été blessé ultra longtemps aussi. Donc on est sur une équipe, un front seven hyper bancal. Écoute, je suis pas optimiste. Hein, on a Frini qui s'est blessé. Je l'ai marqué hier sur la page Facebook. Donc, qui est out, il ne reviendra pas de la injury reserve. Voilà, tu rajoutes à cette défense un Butler qui intercepte pas. Moi j'adore, hein, mais bon, on est toujours là-dessus. Un Ryan, je vais même pas en parler. Joker. Joker. Eric Rowe que j'adore, mais qui est pour le moment décevant. Ouais, ben finalement, heureusement, on a nos safety. On a Chung et McCourty qui se gavent. Ouais, franchement, Chung, super, super saison pour le moment. Ouais, Chung, il revient super bien, c'est clair. Il revient super bien, il est hyper carré, il n'en fait pas des caisses et il est là. Bon, voilà. Donc, je suis désolé, mais on ne va pas faire long feu avec nos deux safety, quoi. Non, c'est donc, clair. Je suis un petit peu pessimiste. Et puis, par rapport à ta question initiale, ce que tu me demandais, Cédric, j'ai du mal à avoir des infos parce que autant te dire que les Patriots ils sont ultra fermés depuis qu'il y a eu ce trade. Il y a le monde entier de la NFL qui en parle. Il y a tout le Massachusetts, tout Boston, tout la Nouvelle-Angleterre qui ne parle que de ça visiblement. Et par contre, les Patriots ont barricadé. Il y a aucune info. Par contre, ce qui se profile, ça serait l'achat d'un linebacker prochain. Voilà. Après, j'ai pas de nom, j'en sais rien, mais il y aurait un achat qui devrait pas tarder. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, qui sait? Parce que Von Doy, voilà, c'est achat linebacker, mais bon, il vient du fin fond au Diable Vauvert de Lions, où il était pas bon. Ouais, après, quand même, j'ose espérer que ça va être un achat d'un joueur relativement important. À mon avis, ça sera un senior qui aura un ouais. an, voire potentiellement deux, qui a un très bon contrat pour ne pas pénaliser ça à la récap. Ça sera comme on a fait sur d'autres postes plus tôt. Sur Chris Long, des trucs comme Chris ça. Long, à mon avis, oui. ça sera un vieux. Ça sera un vétéran. Je pense que ça va être un vétéran, mais moi, je vais te dire mieux. Je pense que ça ne sera pas de la trempe de Chris Long, qui pour moi est un bon joueur. Je pense que ça sera moins bon que ça, je pense. Ils vont aller rechercher Urlacher. Donc, j'aimerais bien, j'aime beaucoup, mais non, je pense que ça sera moins connu, que ça sera oui. un joueur qui vient des Lions, qui vient des Browns, qui vient des Colts, ça sera un peu moins bon. Ouais, bah, il faut regarder du côté entre Bucks, Browns, Bears, Lions, ouais, voilà, ceux avec ouais, voilà, ouais, le fond de classement, quoi. Ouais, tout à fait. Fond de classement et ceux avec qui on a l'habitude de faire des trades. Bien sûr. Exactement. Et d'ailleurs, au niveau des Browns, on n'arrête pas, hein, parce que c'est Mingo aussi qui venait des Browns. Oui, Mingo venait des Browns. Voilà. Ouais, bien sûr. Tout à l'heure, je disais Matt Ginness qui était parti aux Browns. Et puis, je veux dire, il y en a plein. Entre les Browns et les Patriots, a priori, on s'entend bien. Jusqu'à maintenant, on les avait bien eus. le passé de Belichick, je ouais, pense que Bill, il doit voilà, il a encore ses entrées là-bas. Ah, donc, ses entrées, bien sûr, mais du coup, là pour le coup, en une fois, ils nous ont bien rattrapé tout ce qu'on leur avait pillé. C'est ouais. ça. Et encore là, pour ceux qui ne le savent pas encore, la news qui est tombée il n'y a même pas 10 minutes et qui est encore absolument d'un niveau tel qu'au niveau du management, ils ont été très bons. Pour la petite histoire, et le président sait de quoi je vais parler, pour la petite histoire, on a promu la semaine dernière Gaffney de la practice squad dans l'équipe, dans les 53 joueurs. On a promu Gaffney et non Sankey pour dire d'eux que si on wave Sankey, il serait récupéré par une autre équipe. Jusqu'à là, pourquoi pas, à la limite. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, Sankey, il vient d'être récupéré de la practice squad par les Chiefs, qui viennent le signer dans la liste des 53. Ah oui. Donc, effectivement, encore une fois, la cohérence du management est absolument parfaite. C'est ça. Et le tout, toujours avec notre super running back que tu adores, Monsieur Bolden. Oh là là. Oui, voilà. Alors après, si Edelman dit qu'il est essentiel, je veux bien le croire. Mais en tout cas... Il pique une place au niveau des running backs et quand il joue, bah, c'est jamais bon. C'est vrai, juste je voudrais revenir sur un truc. Après, je vous laisse tranquille. Je voulais juste... J'ai vachement entendu aussi sur le match des Bills. Oui, Jamie Collins, il a permis une action où les Patriots se sont pris moult yards et en ont subi les conséquences. Rappelez-vous, je parle de l'action où Jamie Collins se fait tenir par un face mask monstrueux qui n'a pas été sifflé. Effectivement. Voilà. Donc, à un moment donné, trouver comme excuse que Jamie Collins doit partir, doit être tradé aux Browns parce qu'il n'a pas pu arrêter un joueur parce qu'il était attrapé par le casque, je trouve ça mais honteux d'entendre ce genre de propos. Ah, puis c'est pas une action qui fait qu'un joueur tu le dégages, il faut arrêter, quoi, c'est clair. Exactement. Donc là, on a vraiment, il faut se dire que sur Facebook, sur Internet, sur Twitter, on lit de ces conneries, mais des fois, c'est un truc abracadabrantesque. Et encore plus en France. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des des consultants NFL. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je m'y connais bien, mais il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas du tout. Et quand je les écoute parler, ils te sortent des énormités en pensant qu'il y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse, en sortant des trucs, mais à se taper la tête par terre. Oui, parce que on aime bien faire un style, on est américain, quoi. Mais non, on est français. En tout cas, là, les staff des Patriots a 2 semaines pour combler le départ de Collins, mettre quelque chose en place. On verra quel effet sera. Ça sera face aux Seahawks et on aura tout de suite un révélateur pour savoir comment tout ça a été digéré. Donc, ça, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils le font juste avant la bye week. Hein. C'était calculé depuis un bon moment, à mon avis. Oui, et puis évidemment, la bye week elle tombe juste avant la deadline des trades. Exactement, tiens, c'est fou ça, c'est étonnant. C'est fou, hein, comme c'est bien fait pour être fou. Bill Belichick a fait tout au hasard. Ouais. Exactement, on sent totalement la maîtrise du hasard. C'est totalement bien fait. C'est tout au pif. Enfin bon. En tout cas, j'ai toujours mon maillot de Jamie Collins et je vais vous dire un let's go Jamie, quoi. Franchement, je vais le suivre à fond cette année, quoi. Je t'achèterai un maillot des Browns, promis, Olivier. Ah, mais c'est possible. Tu sais que j'ai celui de Willie McGinnis, bien sûr, aux Patriots, mais aussi aux Browns. Moi, celui que je rêve que tu aies sur les épaules, c'est celui de Logan Ryan. Mais Logan Ryan, un de ces quatre, je sais que vous allez vous mettre à plusieurs, vous allez me l'acheter et ça va me rendre dingue. Je ne le mettrai pas, les gars, je ne le mettrai pas. Oh, t'inquiète pas, il suffit qu'on fasse un pari, un concours pro 2 où tu ne gagnes pas, par exemple, et ça peut vite se retourner en gage. Ouais, mais le prince, il gagne tout le temps. Oh, tu parles. On trouvera toujours, même s'il faut, t'inquiète pas, même s'il faut qu'on mette un coup de pompe dans les pronostics pour qu'ils perdent, on trouvera une solution. Hein. J'en suis sûr. Si c'est pour porter le maillot de Logan Ryan. En tout cas, nous, on va passer à la suite de l'émission et on va analyser le match des Bills. En tout cas, merci, plaisir de nous avoir accompagnés dans cette première partie de l'émission. Merci à toi, Cédric, et je vous dis à bientôt. Rudy, Cyril, à plus. Merci d'avoir été là. Et je salue tous les membres qui nous écoutent, qui nous posent des questions en privé, qui commentent la page Facebook, qui lisent le blog. Vous êtes énormes, les gars, continuez. On se régale et le fan club, vous le faites vivre. Donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, c'était cool de vous parler. Et nous, président, on se retrouve dans 2 semaines pour l'émission en direct. Oui, bien sûr. Oui. Ciao, Olivier. Ciao. Allez, ciao, nous, on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission, face aux Bills. ...41-25, c'est le score des New England Patriots à la victoire face aux Buffalo Bills la semaine dernière. Alors avant de rentrer dans l'analyse de ce match, retour rapidement sur les stats d'équipe. Les Patriots finissent avec 357 yards au total versus 367, un temps de possession légèrement supérieur aux Bills qui a plus de 30 minutes. On va revenir bien évidemment sur les stats individuelles par la suite, que ce soit celle de Gronk ou celle de Tom. Rudy, quelle est l'impression que tu as retenue de ce match ? Bah, globalement satisfait. Je veux dire, au niveau de l'attaque, on a mis les formes. On a eu clairement Tom qui voulait montrer que le match aller, c'était qu'une rigolade, c'était qu'une blague. Que de toute façon, le match aller, c'était limite un match sacrifié. Et il l'a montré, il a été versatile dans sa façon de jouer. Tout le monde a été aidé à la passe, tout le monde a eu le sien, que ce soit Gronk, Edelman, Amendola, Hogan. Même Hogan, ouais, même surtout Hogan. Mm-hmm. Avec son touchdown de 53 yards. 53, ouais. Même Blount, il a eu le sien, donc on n'a pas laissé de côté le jeu de course. On a clairement fait ce qu'il fallait. Bon, après, le niveau bémol, on va dire que la O-line a été quand même dans les fraises. On a quand même... Bon, on y reviendra de toute façon, tout ça, après, en détail, hein, dans le reste de l'émission, de toute façon. Puis après, ouais, clairement, la défense qui m'a pas plu du tout, quoi. On va y revenir, de toute façon. Cyril, en 2 mots, quelles sont tes impressions sur ce match ? Une attaque qui roule, une défense qui peine. Il y a 4 mots, mais bon... C'est très bien. Alors, on va parler d'abord de cette attaque qui est toujours efficace et qui déroule 69e TD de sa carrière pour Gronkowski, encore une fois, messieurs, qui a été monstrueux. La connexion Brady-Gronk continue d'avancer, continue de tourner. Rudy. Oh, c'est notre receveur principal, on va pas se cacher. C'est le bulldozer, il avance, rien ne l'arrête, et puis voilà. À côté de ça, 109 yards, un touchdown sur 5 réceptions. Je veux dire, c'est le receveur de notre équipe. Je ne peux pas en dire plus, il est tellement bon. Cyril, on a vu pendant ce match, vous en avez parlé, Brady qui lance une longue passe pour un TD. Oui, effectivement, ça commence à être une habitude. Il nous l'a montré à plusieurs reprises cette saison. Parce que même la passe sur Gronk, sur le touchdown de Gronk, c'est pas une passe de 5 yards. Donc ça, c'est très bien. Au passage, mention quand même pour Gronk, comme tu disais, son 69e touchdown au sein des New England Patriots, qui lui offre le record de la franchise, ce qui est pas négligeable. Après, Chris Hogan, qui n'a de cesse de nous faire rêver. Certes, Julian Edelman, qu'on voit un peu moins sur des big plays, mais bon, qui sort quand même avec 4 réceptions, c'est pas non plus un match à oublier. Et puis, au niveau de l'appui défensif adverse, c'était pas forcément un match pour lui, je dirais. Mais ouais, et puis Tom qui roule, qui est clairement sur la voie du titre de MVP cette année s'il finit sa saison comme il a commencé. Donc voilà, petit bémol sur le jeu de course où je sais que toi, Cédric, ça te tient à cœur et que on retrouve de nouveau 72 yards. Oui, mais c'est efficace. C'est clairement efficace. Au bon moment, utilisé au bon moment. Exactement, voilà, et ça gagne des yards, c'est performant. Et ça fait prendre des premières tentatives. Exactement. Je demande pas de faire des matchs à 150 yards, on demande juste que ça soit efficace. Et là, pour le coup, dès qu'on joue avec Blunt, ça avance. Ça, pour le coup, depuis 2 matchs, on est en vraiment réel progrès de ce côté-là. On gagne en efficacité. Et une jolie course de Tom de 15 yards aussi. Oui, Tom, on connaît ses qualités de coureur qui sont indéniables. Oui. C'est ça. Ça dure 3 quarts d'heure pour 15 yards, mais c'est magnifique. C'est tellement beau de le voir courir. C'est ça. Donc voilà, pour mon analyse de l'attaque, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis quand tu vois, 22 passes réussies sur 33, 315 yards, 4 touchdowns, encore une fois, aucune interception. Wow. Et puis là, on jouait pas contre les Bills, on jouait pas contre les Browns. Donc, c'était quand même une équipe, les Bills, qui a mis une fessée aux Cardinals, qui se démerdait pas mal dans ce début de championnat. Certes, il leur manquait quelques joueurs, mais après ça, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire de l'attaque. Ah bon, de toute façon, on avait clairement, Tom avait clairement à cœur de se remettre du shutout du match aller. Il y a même pas. Surtout qu'il n'était pas là, donc forcément. Oui, déjà, en plus. Et au moins, il leur a montré clairement que, vous rigoliez parce que, ok, vous avez battu Brissette qui était blessé à la main. Là, maintenant, c'est le grand patron qui revient. Au revoir, les gars. Repartez avec votre godnichet, quoi. Moi, j'aimerais, messieurs, vous attirer sur un point particulier. 5 sacs, c'est le nombre de sacs qu'on a concédé cette semaine. Alors, il y en a un qui montre des signes de progrès depuis 2 matchs, qui est vraiment en train d'être performant, notamment aussi sur la protection de passe, c'est Marcus Cannon. Tant on l'a décrié la saison dernière et toute cette première partie de saison, et bien Marcus Cannon, qui était face à Jerry Hughes cette semaine, il a été bon. Alors, messieurs, un mot rapidement sur Marcus Cannon, avant qu'on aborde son compère de l'autre côté, Solder, qui a été beaucoup moins performant. Cyril. Marcus Cannon, effectivement, depuis quelques matchs, on le voit mieux. On le voit, voilà, comme tu disais, vraiment sur la protection de passe, mieux tenir, donc laisser plus de temps à Tom Brady de lancer ses passes. Donc effectivement, bon, pas grand-chose à dire parce que je préfère rester prudent et attendre de voir ce que ça va donner. Bon, bien qu'en face, on avait quand même un gros front seven, et malgré ça, ça a bien tenu, effectivement. Rudy, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Marcus Cannon, qui est quand même en progrès ? Oh, bah, satisfait pour ce qu'il fait. On va pas se mentir. Tout ce qu'il y a, on va dire que vu que les sacs ne viennent pas de lui, ça, ouais, c'est un peu lui qui. Voilà, on va dire que oui, il est en progression, donc tout se passe bien. Mais c'est plus de l'autre côté où ça a coincé. Exactement. Et c'est là où on va en venir. C'est de l'autre côté que cette fois, maintenant, ça commence à coincer. Solder, qui est, pour le rappel, du côté aveugle de Tom. Donc ça, ce qui est extrêmement compliqué, même pour Tom, à gérer derrière pour cette attaque. Eh bien, Solder, qui est en régression. Ah oui. Je sais pas ce que vous en pensez, Cyril. Ah, il est débordé, complètement, complètement. J'ai un jeu en tête. J'ai un jeu en tête, je me souviens plus exactement à quel moment. Où est-ce que... Donc, il se met en place en poche et il se relève. Et il est perdu sur le terrain. Il est là, il regarde à droite, à gauche. Et il ne sait pas ce qu'il fait. Et là, je me suis dit, mais oh, c'est Ned Solder, c'est pas un rookie, c'est pas dépité. Où je me suis dit, un joueur d'un tel talent, parce qu'en plus, si on le met côté aveugle, c'est que c'est lui qui est censé être le meilleur. Parce qu'en général, c'est là qu'on met le meilleur pour protéger justement le quarterback de ce qui pourrait lui arriver dans son dos. Mais là, incompréhensible. Incompréhensible. J'ai pas d'autre mot, je comprends pas. Alors, est-ce que lui aussi, il est mal avec les Patriots? J'espère pas. Ou j'espère, j'en sais rien en fait. Mais non, c'est pas. Là, clairement, il fait courir d'énormes risques à Tom. Il m'a donné des sueurs froides plusieurs fois pendant le match. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Rudy, mais je pense que Solder, qui était revenu de blessure il y a maintenant qu'il y a un peu plus d'une année, ben, j'ai l'impression que c'est juste un déclin physique et qu'il est plus lent, qu'il est moins bon. Enfin, voilà. Physiquement, il se fait dépasser. Bah ouais, bah, de toute façon, c'est clairement ce que j'ai vu au niveau du match. Hein. Il avait du mal à tenir la route. C'est les sacs qui venaient plutôt de son coin à lui. Alors, est-ce que c'est l'âge qu'il fait ou qu'il est plus dedans? Enfin, toujours est-il qu'il était complètement aux fraises lors de ce match-là. Oui, c'est sûr que ça va être compliqué. Ça, il va falloir suivre. Ça serait dommage qu'ayant un canon en progrès, que cette fois, ça soit de l'autre côté Solder, du côté aveugle, qui commence à moins bien performer. Ça serait dommage. C'est ça. Le problème, c'est que quand j'ai l'impression que dans notre ligne offensive, donc, il y a un problème récurrent depuis quelques temps, même quelques années, quand un joueur pointe le bout de son nez, c'est un autre qui recule. Donc, on va pas en sortir comme ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Et donc, c'est là où ça va être compliqué. Ça, il va falloir le suivre parce que, évidemment, ça va nous poser des problèmes. Et surtout, avec un quarterback qui n'est pas un quarterback mobile, qui est plutôt un quarterback de poche, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on a besoin d'une grosse O-line dans ces moments-là. Et puis, il a plus 20 ans, Tom, non plus. Oui, il a plus 20 ans. Et on connaît Tom, sa difficulté des fois à rester sous la pression quand il y a trop de sacs. Il en a concédé 4 cette semaine. Il a plutôt bien géré, mais attention que ça se répète pas plus souvent du côté de Solder, sinon toute la pression viendra de ce côté-là et ça va être compliqué. Et puis la répétition des coups, à un moment donné, c'est pas gérable pour un quarterback. Et il peut pas, tu peux pas lancer sereinement si tu n'as pas confiance en ta ligne. Exactement, exactement. Mmh. Et de ce côté-là, il faudra vraiment faire très attention. Alors, on a parlé de l'attaque, hein, mais 41 points, qui effectivement, être attentif à les performances de la O-line, et notamment de Solder dans 2 semaines. Mais revenons aussi sur l'autre côté du terrain, cette défense, qui a fait un match, eh bien, a quand même concédé pas mal de points face à une faible attaque des Bills, qui était aussi sans Sammy Watkins, et surtout sans LeSean McCoy. Alors, on va d'abord parler des joueurs pour qui on attendait beaucoup et qui a déçu, malgré quand il a fait sa première, rappelez-vous, c'était face à AJ Green qui a été plutôt bon. Là, ça devient compliqué. Je parle évidemment de Rowe qui avait démarré encore en corner numéro 2 et qui s'est fait balader Rudy. Ouais, effectivement, il a été décevant dans ce match-là, tout comme il l'a été dans le match d'avant. Alors, est-ce que c'est un problème d'acclimatation? Est-ce qu'il n'arrive pas encore à se faire au game plan? Je ne saurais pas quoi dire. Pour l'instant, je ne vais pas m'alarmer. On va dire qu'il est là depuis pas si longtemps que ça. Donc, peut-être le temps qu'il prenne vraiment ses marques, en espérant qu'il puisse, qu'il ne soit pas pire que Ryan. Mais je ne vais pas m'alarmer pour ma part, même si ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Cyril, sur Rowe? Est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter et se dire que ce n'est pas mieux que Logan Ryan. Bah, pour ce qu'il a montré actuellement, non, c'est clair que c'est pas mieux. Pire, je saurais pas dire, parce que dans le pire, on peut toujours aller plus loin. Après, c'est compliqué. Hein, sur le poste de cornerback, on est quand même très limité. Et c'est ça qui nous fait mal. Quand on voit que même en gagnant 41-25, Buffalo se retrouve avec plus de yards total que nous, ouais, c'est quand même un peu compliqué. Bon, certes, il y a aussi les positions de départ qui jouent. Il y a eu le turnover en début de deuxième mi-temps. Où est-ce que, donc on repart des 20 yards. Non, c'est même pas, c'est un turnover ? Non, c'est un retour, c'est retour de kick d'Amendola, ouais, hein, qui se termine ça. À... Tout à fait. Voilà, donc on repart à 20 yards. Donc bon, certes, ça fait déjà un drive en moins, mais c'est... on encaisse quasiment 400 yards. Donc c'est quand même très compliqué. 209 yards à la passe. Ouais, wow. Et c'était que les Bills. Et sans Sammy Watkins, leur receveur numéro 1, et leur tight end Charles Clay qui se blesse en début de match en plus. Exactement. Sans compter en quatrième tentative, lorsque le punter Schmidt, il a voulu. Le mec, il fumble, il récupère, il court, il part en first down, il n'y a personne qui le rattrape. Et ça, c'est clairement une erreur de lecture. C'est-à-dire que on se doute bien qu'ils ne vont pas faire un fake. Donc tout le monde part en protection, mais là normalement il doit y avoir quelqu'un pour le chasser, quoi. Je sais pas, enfin là c'est criant. C'est vrai que c'est un jeu qui est waouh. C'est digne du command man, quoi. Il y a pas de problème. Ah, là c'était les mouches qui chassaient, hein. C'était pas le punter. Hein, ah, ouais. Ah non, c'est un punter, c'est pas un gars qui court le 100 mètres en 4 secondes, quoi. C'est ça, sur la première action défensive des special teams, parlons-en. La special team était encore en difficulté. Après, ils se sont bien relevés, faut aussi le souligner. Mais là encore, effectivement, c'est enfin un fumble, hein, sur la première, je crois. Non, ouais, non, mais c'est ça, c'était extrêmement encore compliqué. Attention, on est convalescent sur les special teams, que ça ne devienne pas non plus là aussi encore un point faible. Ouais, bon, après, au niveau des special teams, au niveau retour kick, retour punt, je serais à peu près d'accord avec toi. Mais tout ce qui est kicking, on est quand même bien. On a encore vu Gostkowski, sans parler de son jeu au pied pour marquer. Mais au niveau de ses dégagements, il a été impérial. Oui, Allen a été impérial. Non, mais ça... Allen et Ghost aussi, sur les kicks. Ah oui, non, mais c'est... Pour le coup, là, il s'est relevé du côté offensif. C'est plutôt bien. Gostkowski qui met ses field goals. De ce côté-là, c'est quand même très positif et encourageant. Maintenant, on verra si... Il y en a un qui prend une trajectoire plus que bizarre. Oui. Et qui rentre avec l'aide du poteau. Écoute, là, si la chance revient de son côté, tant mieux, si ça peut l'aider à... C'est ça. J'ai pensé exactement ça quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah, bah, peut-être qu'enfin, la chance va tourner pour lui. Exactement. Et qu'il va pouvoir reprendre confiance. Voilà, exactement. Qu'il reprenne confiance juste avant la bye week, ça va permettre de refaire la cerise. Exactement. Donc ça sera à voir dès le retour de la bye week. Autre point, messieurs, que j'aimerais aborder avec vous, c'est un autre défaut, et surtout alors qu'on a des possibilités de faire des turnover, en tout cas, c'est notre incapacité à concrétiser, les sacs. On en a un nombre très important. Alors certes, il y en a qui sont en progrès. Je parle par exemple de Flowers qui fait 2 sacs. Il y en a certains, effectivement, ça progresse. Mais on a un nombre d'occasions, Rudy, folles, et on ne les concrétise pas. On s'amuse à courir à chaque fois derrière le QB. Certes, un QB mobile, mais il faut qu'on concrétise beaucoup plus. Ah bah oui, là, de ce côté-là... Je sais pas après qui courait, mais c'était pas après Taylor, ça c'était clair et net. Il y a à côté de là, quand tu vois le nombre de tentatives et que ça se concrétise sur pas grand chose, je veux dire, ils mettent pas de pression, quoi. C'est un moment, ça va devenir un problème. C'est si on n'arrive pas à prendre l'avantage sur leur attaque. Je veux dire, c'est quand même le B.A.B.A., c'est quand même l'équipe qui nous a mis le plus de points de cette saison pour l'instant. Alors que dans les autres matchs, on arrivait à limiter à 17 points max. Là, on est déjà 25. À 25 et c'est clé. Ouais, moi, je retirerais le dernier touchdown quand même. Ou est-ce que c'est déjà les équipes suppléantes qui sont sur le terrain? Donc au final, tu tombes quand même dans 17, hein. Ouais, mais parce que le dernier touchdown, tu le prends sur la fin, bon. Mais bon, c'est vrai que c'est pas normal non plus. Ouais. Ah non, mais à un moment donné. Après, pour finir les actions, là où je suis pas non plus d'accord, c'est que la pression, on la met. Mais c'est une pression qui pourrait suffire si on avait un backfield qui contenait le receveur. C'est-à-dire que même sans le saquer, il devrait forcer ses passes et on ferait des turnovers sur l'interception. Oui, tout à fait. Parce que le problème, c'est que oui, on court après le QB, on a l'impression de voir des gamins à l'école qui courent après un ballon. Parce que bon, problème de lecture, on voit des joueurs qui ratent des plaqués. Et là, encore plus, donc, comme on disait, avec un QB mobile, c'est encore plus criard. Et derrière, parce que quand tu mets la pression comme ça, que le quarterback doit se déplacer, oui, il fait ses lectures, mais il a la pression. Donc, il ne peut pas lancer aussi sereinement que s'il était bien dans sa poche calé. Mais là, le problème, c'est que du coup, si nous, on ne le sac pas et que les corners et les safety derrière, ils ne mettent pas bien leur couverture ou ils ne serrent pas assez leur homme, ah ben forcément, le gars, il lance, même si c'est pour 10 yards, il avance. Donc, c'est deux problèmes qui, pour moi, font le problème global de notre défense, au niveau de la passe, du moins. Oui, ça va être... c'est sûr que ça pose problème de ne pas avoir des corners qui sont capables de convertir en interception. Et même Butler qui a toujours du mal. Ou en tout cas... Oui. Après, il a été bon, Butler, sur le match-là. Butler a pas été bon. Pas de turnover, quoi. Exactement. Butler a encore été très bon, mais ça manque de... Mais je me posais cette question. Ouais, ça manque de finition, quoi. Voilà, on fait pas de turnover, quoi, au final. Et c'est quand même la manière la plus simple et la plus rapide de ni encaisser de points et en plus de ça, de garder la possession. Quand on veut faire des turnovers à l'équipe adverse, c'est tout bénef. Ah bah oui. Donc ça s'assure que ça sera à suivre et être capable, à défaut en tout cas, d'intercepter, mais au moins concrétiser à un moment donné les sacs. Alors, Juste une question, c'est pas en défense où il y a eu un problème aussi, à un moment c'était 12, après ils sont redevenus 12, puis 10. Ouais, exactement, ouais, c'est arrivé plusieurs fois pendant le match, ce qui est quand même assez inadmissible, où on s'est fait sanctionner parce qu'on avait 12 joueurs. Effectivement, Rudy, tu as raison. Là aussi... 100% raison. La question, tiens, justement on en parle. Alors, on le sait, on suppose qu'il y avait un malaise qui a dû se créer, peut-être avec le départ de Collins, on ne sait pas. Mais cette défense, ouais, ça a été un peu le chaos en termes d'organisation, mine de rien. On a senti, alors, est-ce qu'il faut mettre maintenant en exergue la performance de la défense suite au départ de Collins, qui, à mon avis, comme on en discutait en première émission, se savait déjà parti. C'est possible, qu'en pensez-vous, messieurs? Cyril? Ouais, clairement... Il n'avait pas la concentration habituelle. Lui, devait savoir que ça se tramait et que de toute façon, ça passerait pas et qu'il allait partir, qu'il allait faire ses valises. Donc forcément, même si je pense qu'il a quand même voulu rester professionnel jusqu'au bout, on est un peu chamboulé. Il n'était pas dans les meilleures conditions pour jouer. Et donc, ça a un peu perturbé. Mais après, pour les autres joueurs, je pense pas. Vu les réactions qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, de Devon McCourty par exemple, je pense que les autres joueurs n'étaient pas du tout au courant de ce qui se tramait. Donc, oui, c'est une certitude. Et peut-être que ça a créé des lacunes et des espaces, justement, qui a fait progresser. On a vu des courses où Taylor a progressé depuis une vingtaine de yards sur une action parce qu'il y avait un trou béant qu'on n'a pas su le contenir. Rudy, donc je pense effectivement qu'il y avait à un moment donné, lui était déconnecté de l'équipe. Hein. Et c'est pour ça qu'on avait encore plus Roberts participer que Collins. Oh, bah, c'est assez évident, je pense. C'est à côté de là, entre Collins qui était mentalement parti, les autres qui galéraient aussi, tu sais plus vraiment si les mecs ils étaient là pour faire leur match ou. S'ils avaient qu'une chose, c'était rentrer chez eux, quoi. En tout cas, c'est sûr. En tout cas, la semaine qui arrive, qui est une semaine de bye week, va faire du bien à tout le monde, notamment au vu des dernières nouvelles qui sont arrivées. Il sert de remettre les choses en place, travailler sur cette défense, et puis on aura tout de suite un vrai test au retour de cette bye week face aux Seahawks. En tout cas, pour cette émission, c'est terminé. Merci, messieurs, d'y avoir participé. Avec plaisir. De rien. Nous, vous pouvez retrouver le Fan Club sur Twitter @FCFNEP, sur le Facebook du fan club, aussi sur le forum. N'hésitez pas à réagir à l'émission dans les commentaires ou sur Twitter. Je vous rappelle qu'on sera en direct le 13 novembre. Alors, l'horaire a tout petit peu changé, c'est à 17h30. Notez-le bien dans vos agendas, le podcast sera en direct avec le président et le 12-man Régis, où vous pourrez poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser, que ce soit sur le fan club, le podcast, la NFL ou tout et n'importe quoi. En tout cas, préparez vos questions et n'hésitez pas à venir pour cette émission en direct. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine de bons matchs de NFL, une bonne semaine pour New England Patriots, et n'oubliez pas, le fan club français des New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir. Ciao.